He just likes looking after cows. Yeah, Dags. Do you like Dags? Dags. What? Yeah, Dags. Dags. Do you like Dags? Oh, dogs. Y'a plus de bouche d'égout dans les rues. Y'a plus de plaques commémoratives sur la tombe des inconnus. Y'a plus de soleil en novembre, plus de chauves-souris sous les toits. Mais comment font-ils pour revendre toutes ces choses-là? Y'a plus de peau d'échappement sous mon kangou. Faut trouver les coupables, un point c'est tout. Heureusement dans mon petit village, on sait repérer les gens louches. Et après enquête on proclame avec une verve farouche. C'est sûrement les manouches. Mais le renard n'est pas coupable. Mon cœur est tout dépouillé et je connais les responsables. Le ciel est privé d'étoiles, ils ont même décroché la lune. Depuis on n'y voit que dalle dans notre petite commune. Par contre mon vélo ils n'en veulent pas. C'est sûr qu'il est trop moche et ces gens-là n'aiment que le luxe, c'est bien connu. Ouais, ce sont tous des parvenus. Nous on bosse comme des cons et on désalogue à la louche. Ah, ces maudits manouches. We'll be right back.